Bonjour auditeurs de Radio Gémozo, je suis Lia, je suis ravie de t'accueillir sur le 107 FM. Suite à nos projets au sein des écoles de la Vosges, où Chris et moi sommes partis à la rencontre des enfants pour leur faire connaître Radio Gémozo, mais aussi parfois enregistrer le travail qu'ils avaient préparé avec leurs instituteurs, des émissions exceptionnelles vous sont proposées depuis lundi et nous continuons avec les élèves de la Chapelle au Bois. J'en profite pour remercier la communauté d'agglomération d'Épinal et Élie, leur coordinatrice enfance-jeunesse, mais également les instituteurs pour leur accueil chaleureux et bien entendu leurs élèves pour leur curiosité et leur investissement. Très bonne écoute. La maman de Titouan est venue dans notre classe. C'est une musicienne qui joue de l'accordéon. Bonjour Marion. Bonjour les enfants. On a posé des questions à Marion. Quel âge t'as appris à jouer? J'ai appris à jouer à l'âge de 7 ans, quand on s'est commencé à lire pour pouvoir lire les notes de musique. Sais-tu jouer d'autres instruments? Je sais jouer du piano et de l'orgue également. Est-ce que tu as appris jouer de l'accordéon à Titouan? Alors, mes enfants ne savent pas jouer de l'accordéon, mais par contre, quand j'en joue, ils aiment bien toucher les touches, ouvrir un petit peu le soufflet, s'amuser avec. Mais ils n'ont encore pas appris, ils ne me demandent pas pour apprendre. Merci Marion d'avoir répondu à nos questions. Je vais vous jouer un morceau et vous me direz si vous le connaissez. Alors, on va danser aujourd'hui, on va faire la soyotte vosgienne. Je vous la joue une première fois, vous l'écoutez, et après on dansera ensemble. Alors maintenant, je vais vous jouer une chanson sur le thème de la mer. Maintenant, c'est l'heure de nous quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, c'était le cas pour moi. Et puis, en espérant que l'accordéon donne envie à certains d'en jouer plus tard ou du moins de l'écouter, de l'apprécier. Au revoir à tous et bonne journée. Timide et coquet, je m'appelle le muguet. Dans mes feuilles, je me cache de peur qu'on me m'arrache. Et s'il est vrai que je porte bonheur, venez, venez, je vous offre mon cœur. Naël va vous lire une histoire de Hugo, Lily et Taoki. Maman, papa, nous sommes bien arrivés en classe de nature. La route était longue, mais quelle vue à notre arrivée! Nous nous sommes vite installés. Taoki est avec Hugo et donc dans une chambre. Moi, je suis avec Magali et Rose. Nous avons vidé nos valises, rangé nos affaires dans les casiers et hop, dehors pour visiter le village. Il y a une église isolée. Ensuite, nous sommes allés sur la plage pour nous amuser. Je pense que le séjour va être génial. Je vous envoie déjà quelques images. Bisous. Les enfants de grande section vont vous expliquer comment se laver les dents. On mouille sa brosse à dents. Et puis après, on met du dentifrice sur sa brosse à dents. On frotte bien les dents partout. On passe le fil entre ses dents. On rince les dents. On va cracher l'eau et le dentifrice. Après, on rince la brosse à dents. Là, nous dans une robe. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans notre émission, nous recevons les élèves de CE1, CE2 de l'école de la Chapelle aux Bois. Ils sont venus nous parler d'un livre dont ils sont les auteurs et les illustrateurs. J'ai devant moi Susan et Noé. Bonjour à vous. Dites-moi en plus sur ce beau projet. Bon voilà, vous connaissez sûrement l'association Zingrenadine qui organise tous les ans à Épinal une grande fête de la littérature jeunesse. Eh bien, ils ont contacté notre maîtresse pour lui proposer un projet avec comme partenaire une illustratrice. Voilà comment ça a commencé. Un jour, la maîtresse nous a distribué un album appelé « Mona aux doigts de miel » des éditions du Pourquoi pas. Sur la couverture, nous avons découvert le nom de l'illustratrice avec laquelle nous allions travailler. Il s'agissait de Madeleine Pereira. Cet album venait juste d'être édité. Personne ne pouvait encore l'acheter en librairie. Nous avons été très flattés de le découvrir en exclusivité. Et de quoi parle votre livre exactement ? On nous a expliqué que Madeleine Pereira était en train d'écrire un livre sur le thème de l'immigration. Alors nous aussi, nous nous sommes penchés sur le sujet des migrants et nous en avons fait le thème de notre livre. Dis-moi, Tim, c'est quoi un migrant ? Un migrant, c'est une personne qui quitte son pays d'origine pour aller vivre dans un autre pays. Parfois, c'est un choix, mais d'autres fois, c'est une nécessité. Et pour quelle raison une personne se retrouve-t-elle parfois obligée de partir de son pays ? Elle peut décider d'aller étudier à l'étranger ou y chercher un emploi. Elle peut aussi migrer pour rejoindre un membre de sa famille déjà installé dans un autre pays ou pour offrir un avenir meilleur à ses enfants. Mais la plupart du temps, les migrants sont obligés de quitter leur pays parce que la vie y est trop difficile ou dangereuse. Beaucoup d'entre eux tentent d'échapper à la misère et à la famine. D'autres fuient la guerre et il y a ceux qui abandonnent leur maison et leur pays à cause de catastrophes naturelles, d'inondations, de cyclones, etc. Et vous racontez tout ça dans votre livre ? Nous avons tous choisi un personnage différent qui rencontrait un problème et qui était obligé de partir quelque part et nous avons écrit une aventure pour chacun de nos héros. Il y a par exemple Audi, le clown qui doit abandonner ce cirque fermé à cause d'un virus. Ou encore, cette licorne obligée de fuir les braconniers qui veulent voler sa corne. Et toi, Mathéo, c'est quoi ton histoire ? Moi, j'ai raconté l'histoire de Caramel le cheval qui, à cause de la sécheresse, s'est retrouvé vendu à l'autre bout du monde. Et moi, mon histoire, c'est celle d'un nain de jardin chez Madame Groseille. La vieille dame part en maison de retraite, la maison est vendue, le nain est jeté à la déchetterie, il s'enfuit en trottinette chez les pygmées. Moi, c'est l'histoire d'une souris qui n'est plus en sécurité à l'hôtel dans sa citrouille et qui part en montgolfière vivre dans un igloo chez les Inuits. Je vois que toutes vos histoires sont vraiment différentes. Oui, nous avons tous des personnages différents qui ont un problème différent, qui vivent dans un endroit différent, qui partent avec un moyen de locomotion différent vers une destination différente. Donc, on s'ennuie pas quand on lit nos histoires. Et avez-vous raconté ce que devenaient finalement vos personnages après leur migration ? Oui, nous avons imaginé qu'une fois installés dans leur nouveau pays, ils nous donneraient des nouvelles en nous envoyant une carte postale. Alors, nous avons écrit le texte de la carte postale. Par exemple, dans la carte postale que Mélodie a reçue, Lippy l'éléphant, son personnage lui raconte sa nouvelle vie en Inde. Jean le sorcier écrit à Noé ce qu'il fait maintenant à New York. Finalement, nos histoires se terminent bien. Tous nos personnages sont contents de leur nouvelle vie et n'ont pas envie de revenir où ils vivaient avant. Et Madeleine Pereira vous a aidé à écrire ces histoires incroyables ? Non, elle est venue plusieurs fois en classe après que nous ayons écrit les histoires pour nous aider à réaliser les illustrations. Nous avons d'abord cherché l'inspiration dans des livres. Justin, par exemple, a dû faire des recherches pour savoir à quoi ressemblait un village pygmée. Lucas, à quoi ressemblait l'île Maurice. Eva, le pôle Nord. Mélodie, la savane. Lola a dû apprendre à dessiner un avion. Et moi, un VTT. Madeleine avait aussi préparé des modèles pour nous donner des idées. Nous avons déjà fait des esquisses, puis ensuite le dessin original. Nous avons colorié les dessins avec différentes techniques. Madeleine nous donnait des conseils, des astuces pour réussir nos dessins. Et que sont devenus vos dessins et vos histoires ? Madeleine Pereira les a récupérés, les a scannés et a composé le livre à l'ordinateur avec les productions de tout le monde. Elle a aussi dessiné la couverture, puis elle est allée les imprimer. Elle les a aussi assemblés. Et ce livre a un titre ? Oui, il s'appelle « Partir, pas le choix ». Et est-ce qu'on peut trouver votre livre en librairie ? Non seulement une vingtaine de livres ont été imprimés, mais nous avons chacun le nôtre. On va le garder précieusement dans notre bibliothèque. C'est un beau souvenir de notre année de CE1, CE2, de notre rencontre avec... une illustratrice. Merci les enfants pour toutes ces explications. Pour terminer cette émission, nous allons écouter Justin qui va nous lire son histoire et sa carte postale. Voici l'histoire de Justin. Jérémy le nain vit dans le même jardin que les 7 nains de Blanche-Neige. C'est Madame Groseille, une petite grand-mère très vieille, qui les a tous installés là. Jérémy aime se promener au milieu des légumes et des fleurs la nuit quand tout le monde dort. Mais un jour, Madame Groseille part vivre dans une maison de retraite. Son fils vend la maison. Les nouveaux propriétaires trouvent que les nains de jardin, c'est vraiment démodé. Alors, ils les emmènent tous à la déchetterie. Jérémy s'enfuit la nuit et part en trottinette pour échapper à la broyeuse. J'ai bien aimé ton histoire. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'est devenu Jérémy depuis son départ ? Je vais te le dire. Écoute cette carte postale qu'il m'a écrite. Coucou Justin, j'espère que tu es en forme. Moi, je vis maintenant en Afrique vers l'Équateur, dans un village chez les Pygmées. Ma maison est en paille et en bois. On se déplace en pirogue. Les cochons sont en liberté dans le village. Tous les jours, on chasse, on pêche et on cueille des fruits dans la forêt. Les plantes sont plus grandes que dans le jardin de Madame Groseille. Je suis content d'être là, mais tu me manques beaucoup. Bye bye, Jérémy le nain. C'est maintenant Anaëlle qui va nous lire son histoire. Hugo, un jeune garçon gentil, vivait avec ses parents à la chapelle au bois. Ce qu'il adorait le plus, c'était construire des gros robots télécommandés, mais dans son village, tout le monde se moquait de sa drôle de passion. Et c'était plutôt compliqué de trouver des pièces pour ses fabrications. Le jour de ses 13 ans, il décide de construire un engin volant qui lui permettra de partir dans le futur. 6 mois plus tard, il met en route sa machine et file à travers un portail magique. La chapelle au bois, on ne l'a jamais revue. Et si tu me donnais des nouvelles d'Hugo ? Tu m'as dit que tu avais reçu une carte postale, non ? C'est ça, écoute. Bonjour, Anaël, comment vas-tu ? J'espère que ta famille va bien. Moi, je vis dans la ville du futur. Je suis le seul humain dans cette ville. Je trouve des millions de pièces pour mes fabrications. Des robots policiers avec des gros gyrophares sur la tête surveillent la ville. Ils peuvent aussi se transformer en voiture. Ici, tout se passe dans les airs. Les maisons ressemblent à des manèges. Je suis bien ici car il n'y a personne qui se moque de moi. Bise Hugo le garçon. Écoutez bien, voici l'histoire d'Emma. Arc-en-ciel, la super-héroïne, vit dans un immeuble à 3 étages dans une grande ville. Son métier, c'est sauver le monde. Ce qu'elle préfère, c'est sauver les gens des méchants. Mais voilà, des méchants dans sa vie, il y en a de moins en moins. Elle les a tous envoyés en prison. C'est en écoutant BFM Radio qu'elle décide de quitter sa ville pour aller vers Paris où les méchants sont encore nombreux. Elle grimpe sur sa mobylette à roues télescopiques équipée de lasers, de pinces avec des pneus agrippants et part à toute allure vers de nouvelles aventures où elle va pouvoir attraper les méchants. Waouh ! Quelle belle histoire ! Et tout s'est bien terminé pour Arc-en-Ciel ? Oui, Arc-en-Ciel m'a même écrit une carte pour me donner de ses nouvelles. Je te la lis ? Coucou Emma, j'espère que tu vas bien. Tu me manques un peu. Moi, je vis maintenant à Paris dans un grand immeuble au dernier étage. Depuis mon balcon, je vois la tour Eiffel. Ici, il y a de nombreux méchants. Mais j'ai acheté de nouveaux accessoires pour pouvoir les attraper plus vite. J'en ai déjà envoyé beaucoup en prison. Les gens sont très satisfaits. Je ne m'ennuie pas. Je suis très contente d'être ici. Bisous, Arc-en-Ciel, la super-héroïne. Et si on écoutait l'histoire d'Eva ? Iris, la souris, s'était installée dans une énorme citrouille bien dure dans le jardin de Monsieur Merlin, le maire du village. Un beau matin, elle sent comme un tremblement de terre. Monsieur Merlin avait très envie d'une bonne soupe. Il était en train de cueillir la belle citrouille orange. Iris se sent menacée. Elle se demande ce qui lui arrivait. Elle croyait être en sécurité pour survivre l'hiver, mais il lui faut immédiatement quitter son logis. Elle fonce sans réfléchir et grimpe dans la nacelle du montgolfière qui s'était posé dans le jardin de Monsieur Merlin. La voilà partie dans les airs pour un long voyage et de nouvelles aventures. J'ai bien aimé ton histoire, mais dis-moi, qu'est devenue cette souris depuis son départ ? Je vais te le dire. Écoute cette carte postale qu'elle m'a écrite. Salut Eva, je suis au pôle Nord avec les Inuits. Je vis dans un igloo qui me fait penser à ma citrouille. Je me déplace avec un traîneau tiré par les huskies. J'ai déjà vu des ours polaires. Le problème est qu'ici, il fait très froid. Il faut toujours garder les vêtements en peau, même pour dormir. J'accompagne les Inuits à la pêche. On fait des trous dans la glace. Bise Iris la souris. Écoutons Ilan qui va nous lire son histoire. Paul le boucher vit à Paris dans un hôtel 5 étoiles. Ce qu'il préfère, c'est la tour Eiffel qui est à 1 km de chez lui. Un jour, il y a une nouvelle boucherie qui s'installe juste en face de la sienne et qui vend la viande bien moins chère que lui. Il perd tous ses clients qui sont attirés par les prix bas. Paul n'a pas d'autre choix que de vendre sa boutique. Il décide de partir s'installer dans les Vosges à Charmoy-l'Orgueilleux. On lui a dit que là-bas, il aurait beaucoup de succès. Les Vosgiens adorent la viande. Il part en TGV. Ce qui le rend vraiment triste, c'est de quitter la tour Eiffel. Il adorait monter en haut et la regarder scintiller le soir. J'ai bien aimé ton histoire. Mais dis-moi, qu'est-ce qui est devenu Paul le boucher depuis son départ ? Je vais te le dire. Écoute cette carte postale que Paul le boucher m'a écrite. Coucou Ilan, j'espère que tu vas bien. Je t'écris du petit village de Chamois-l'Orgueilleux où j'ai acheté une grande boucherie. La façade est bleue comme ma couleur préférée et il y a du carrelage au sol. J'ai plusieurs employés. Ici, il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais tout le monde est sympathique. Et mes beefsteaks ont beaucoup de succès. J'ai de nombreux clients. Tout va bien pour moi. Bisous de Paul le boucher. Lindsay va nous lire son histoire. Odile le clown vit dans un cirque sous un chapiteau rouge et jaune. Il adore jongler, faire des acrobaties, mais surtout faire rire les enfants en faisant des blagues. Sa préférée, c'est mettre des coussins péteurs sur les fauteuils du public. Un jour, un virus apparaît. Plus personne n'a le droit de venir voir le spectacle d'Audi. Il décide alors de partir en Chine. Il paraît que là-bas, le virus n'y est plus. Il grimpe dans sa petite voiture. Vous allez la reconnaître, c'est celle de Oui Oui. Audi lui a racheté il y a quelques mois. Noé a reçu des nouvelles de Jean le sorcier. Et toi, tu as des nouvelles ? Oui, moi aussi, écoute. Bonjour Lindsay, j'espère que tu vas bien. Maintenant, je vis en Chine. Je suis clown dans un cirque qui est beaucoup plus grand que l'autre. Nous sommes plusieurs clowns et il y a aussi des acrobates et des jongleurs. On doit porter des masques à cause du virus, mais je peux à nouveau faire des blagues aux gens. Le public est nombreux au spectacle. Tout va bien pour moi. Bye bye, Audi le clown. Nous allons écouter Lola qui va nous lire son histoire. Sirena, la sirène, vit au fond d'un lac. Elle passe ses journées à jouer avec les poissons ou à coiffer ses longs cheveux marrons. Un jour, elle se sent menacée par les hommes. Depuis plusieurs jours, ils viennent lancer leurs filets dans le lac. Elle demande des conseils au trident, le roi des sirènes. Il lui dit de déménager le plus rapidement possible à la mer. Ça lui fait mal au cœur d'être obligée de quitter le lac et tous ses amis poissons. Elle boit une potion pour se transformer en jeune fille. Elle se rend à l'aéroport le plus proche et prend la place dans l'avion d'un vieux monsieur. Quelle jolie histoire ! Et tu as eu des nouvelles de Sirena depuis son départ ? Oui, j'ai eu une carte postale. Tu veux que je te la lise ? Bonjour Lola. J'espère que tu vas bien. Maintenant, j'habite à la mer de Tasmanie entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je vis au milieu des coraux et des poissons clowns. Ici, la mer est trop salée, donc les pêcheurs n'y viennent pas. Mais moi, le seul, ça ne m'embête pas. J'ai des amis sirènes, tu me manques quand même un peu. Bisous, Sirena, la sirène. Écoutez bien! Voici l'histoire de Luca. Alex le fermier vit dans une ferme dans les Vosges. Il aime bien travailler avec son gros tracteur vert très puissant. Un jour, sa vache ne lui donne plus de lait. Alex ne peut plus faire de fromage et il n'a plus rien à vendre au marché. Il n'a plus d'argent pour nourrir son troupeau, pour rembourser la banque. Il n'a pas le choix, il décide de partir à l'île Maurice. Il paraît qu'il fait toujours chaud là-bas. Il pourra fabriquer et vendre du jus de banane. Bien sûr, il part avec son gros tracteur vert. Justin a reçu une carte postale de son héros. Et toi ? Oui, moi aussi j'ai reçu une carte. Tiens, je vais te la lire. Cher Luca, comment vas-tu ? Maintenant, je vis à l'île Maurice. Ici, il y a beaucoup de palmiers. Il fait toujours chaud. J'aime regarder les bateaux traverser la mer et les couchers de soleil. J'ai goûté les mangues. C'est mon fruit préféré. Je me baigne tous les jours. Ça fait 2 mois que je suis ici. Je vends des chips de banane pour gagner de l'argent. Je suis très content de ma nouvelle vie. Bisous, Alex le fermier. Nous allons écouter Mano qui va nous lire son histoire. Tom le dragon vit dans une forteresse en pierre tout en haut d'une montagne. Il aime cracher du feu et pêcher. Un jour, un volcan sur la montagne d'à côté se réveille et de la lave éclabousse sa forteresse qui prend feu et s'écroule. Sans maison, impossible de survivre à cause du froid. Tom doit partir. La montagne, c'est fini pour lui. On lui a parlé d'une région où il allait pouvoir continuer à pêcher, où les lacs sont nombreux. Il s'élance en deltaplane du haut de sa montagne et disparaît dans les nuages. Quelle jolie histoire ! As-tu des nouvelles de Tom le dragon depuis son départ ? Écoute cette carte postale qu'il m'a écrite. Salut Mano, j'espère que tu es en bonne santé. Je vis maintenant près d'un lac, dans une grotte. Je peux pêcher et cracher du feu librement. Bien sûr, il faut que je fasse attention de ne pas mettre le feu à la forêt. Les poissons sont un peu difficiles à attraper, mais tout va très bien pour moi. Ciao, Tom le dragon. C'est Manon qui va maintenant nous lire son histoire. Belle la licorne vit dans une forêt de chênes en Bretagne. Ce qu'elle adore, c'est faire scintiller sa corne quand elle utilise ses pouvoirs magiques pour réparer la nature que les humains détruisent parfois. Un jour, elle entend parler de braconniers qui veulent voler sa corne magique pour la vendre au marché noir à des collectionneurs de trophées. Ça lui fait peur. Elle décide alors de partir à bicyclette vers un autre endroit plus sûr. On lui a parlé d'une montagne en Suisse. Elle emprunte le VTT abandonné par un pêcheur pour s'y rendre. Waouh, quelle belle histoire! Et tout s'est bien terminé pour Belle la Licorne? Oui, Belle la Licorne m'a même écrit une carte pour me donner de ses nouvelles. Je te la lis. Cher Manon, je vis en Suisse à la montagne dans un chalet avec d'autres licornes. Le soir, on fait scintiller nos cornes. Ici, il n'y a pas de braconniers. Je fais de la luge et j'ai aussi appris à faire du ski. Tous les samedis avec mes amis, on fait soirée raclette et ça sent beaucoup le fromage dans le chalet. Je me sens bien ici et la forêt d'avant ne me manque pas du tout. Bisous, Belle la Licorne. Nous allons écouter Mathéo qui va nous faire découvrir l'histoire qu'il a écrite. Caramel le cheval de course vit dans une écurie très célèbre. Pendant ses compétitions, il est toujours le plus fort, mais il s'entraîne beaucoup pour y arriver. Il a déjà gagné de nombreuses médailles en or, en argent, en bronze. Elles sont toutes accrochées au-dessus de son box. Une année, il y a une grosse canicule. Il n'y a plus d'herbe pour nourrir les chevaux de l'écurie. Le propriétaire est obligé de le vendre à des multimilliardaires. Caramel se demande s'il va se faire des amis dans la nouvelle écurie et s'il va être bien traité. Il espère qu'il aura aussi des compétitions importantes car c'est sa passion. C'est en vain qu'il rejoint sa nouvelle adresse. Quelle histoire ! Et tout s'est bien terminé pour Caramel le cheval ? Oui, il m'a même écrit une carte postale pour me donner de ses nouvelles. Je te la lis. Coucou Mathéo, j'espère que tu es en forme. Moi maintenant, j'habite chez un nouveau propriétaire à Dubaï. C'est un Amir qui possède de nombreuses voitures et un grand immeuble. Ici, je fais encore des courses. Il y a des photos de moi partout. Tout le monde est gentil. Il me donne beaucoup à manger. Je suis finalement content d'être ici. À plus, Caramel le cheval. Écoutez bien, voici l'histoire de Mélodie. Lippy l'éléphant vit dans la savane en Afrique avec sa famille. Il aime beaucoup se reposer sous le baobab géant. Et un jour, il se fait attaquer par une lionne qui lui mord la patte. Et un mois plus tard, c'est un autre groupe de lions qui attaque son petit. Ça ne peut plus durer. Ils ne peuvent plus vivre dans ces conditions. Un matin, il décide à partir. Il emprunte le 4x4 Landover d'un explorateur qui faisait un safari photo dans le coin. Son idée est d'aller jusqu'en Inde avec son petit et sa femelle. On lui a dit que là-bas il n'y aurait pas de lion. Ce qu'il regretta le plus, c'est d'être obligé de quitter sa meilleure amie, la Lila Girafe. Moi, j'ai eu des nouvelles d'Adèle. Et toi ? Oui, moi aussi. La semaine dernière, j'ai reçu une carte postale, je te la lis, d'accord ? Coucou Mélodie, j'espère que tu vas bien. Je suis en Inde et ça bouge bien ici. Il y a un magnifique palais qui s'appelle le Taj Mahal. Nous les éléphants, nous sommes très nombreux dans ce pays et on nous respecte car ils disent que nous sommes sacrés. Très bonne nouvelle. Ma meilleure amie, Lali la girafe, m'a rejoint et mon petit a bien grandi. Une vache sacrée nous a aidés à notre arrivée à trouver de l'eau et de la nourriture. Je me sens bien ici. Au revoir. Écoutons l'histoire de Noé. Jean le sorcier habite dans une vieille ruine près d'un château un peu magique qui est en fait une école d'apprentis sorciers. Il enseigne la magie à des élèves dans une salle secrète. Un jour, l'école explose à cause d'un élève maladroit qui se trompe en jetant un sort sur un miroir. Jean n'a pas d'autre choix. Il doit déménager très loin pour trouver de nouveaux élèves. On lui a dit qu'en Amérique, dans une école de sorcellerie, il manquait un professeur de magie. Un matin, il part avec son super balai volant à réacteur. Le voyage sera très long, et en plus, ce n'est pas facile pour lui de quitter ses anciens apprentis sorciers. Et si tu me donnais des nouvelles de Jean, tu m'as dit qu'il avait reçu une carte postale, non? C'est ça. Écoute, coucou Noé, j'espère que tu vas bien. Moi, je me suis installée en Amérique il y a 3 mois. Je vis à New York. Plus précisément, dans un grand manoir près du port. Toutes ces voitures et ces gratte-ciel, c'est un grand changement pour moi. J'ai retrouvé un emploi de professeur de magie. Dans l'école, nous sommes une dizaine de professeurs et j'ai une nouvelle baguette. Et maintenant, j'enseigne la magie blanche. À mon manoir, j'organise souvent des duels de magie. Je me plais bien ici. Je pense que je ne reviendrai pas. Bisous, Jean le sorcier. Nous allons écouter Susan qui va nous faire découvrir l'histoire qu'elle a écrite. Adèle, la jeune princesse, vit dans un grand palais royal dans une forêt enchantée. Ce qu'elle préfère, c'est faire de l'équitation et manger des buffets royaux tous les soirs. Un jour, elle découvre des affiches annonçant le couronnement royal. Il y en avait partout placardé sur toutes les portes du royaume. Les affiches annonçaient qu'on allait faire d'elle une reine et elle n'était pas prête pour ses responsabilités. Ça ne lui dit pas du tout d'être obligée de diriger un pays et de se marier avec un inconnu. En devenant reine, elle ne pourrait plus passer ses journées à faire de l'équitation. Elle se sent triste, mais elle se décide quand même à quitter le royaume, mais accompagnée d'étoiles, sa licorne. On lui a parlé d'un pays merveilleux où les princesses ne deviennent jamais reines. Ce n'est quand même pas facile de tout abandonner derrière elle. Quelle belle histoire! Mais dis-moi, Susan, as-tu des nouvelles d'Adèle? Oui, j'ai une carte postale. Chère Susan, j'espère que tu vas bien. Moi, je vis maintenant dans le beau pays de Zoni depuis 4 mois. Près de mon nouveau château coule une rivière en chocolat. Les arbres sont en sucre d'orge et les nounours sont en bonbons. Les pierres sont des Smarties et les nuages sont en barbe à papa. L'écurie pour étoiles est construite en plaques de chocolat. Dans la cour, j'ai aussi fait installer une fontaine avec du caramel. J'adore les défilés d'étoiles filantes. Je peux faire de l'équitation quand je veux, alors tout va bien pour moi. Ciao, Adèle la princesse. Écoutez bien, voici l'histoire de Tim. Esteban le Père Noël vit au pôle Nord avec la Mère Noël. Chaque année, il distribue les cadeaux, mais cette année, il a très mal au dos. Il prend rendez-vous chez son docteur qui lui conseille de prendre sa retraite et de partir se faire soigner dans un hôpital spécial. Ça ne lui plaît guère de prendre sa retraite. C'est son lutin en chef, Siméon, qui le remplacera au pôle Nord. Il part sur sa luge à moteur, en bois, ultra rapide, le cœur brisé de quitter ses lutins et sa femme. Personne ne sait où il part s'installer. Noé a reçu une carte postale de son héros. Et toi? Oui, j'en ai eu une. Écoute. Bonjour, Tim. J'espère que tu es en bonne santé. Moi, je vis maintenant dans le désert. Je suis bien arrivée à destination. Je vais beaucoup mieux. Je n'ai presque plus mal au dos. Ici, il fait très chaud. Il y a des cactus de toutes sortes et des pyramides anciennes. Le pôle Nord ne me manque pas. Je n'ai plus besoin de m'habiller chaudement. Je suis en short tout le temps. Les dromadaires tirent mon traîneau quand je dois me déplacer. Tout va bien pour moi. Bisous, Esteban le Père Noël. Christophe Colomb. Christophe Colomb est né en 1451 en Italie. C'est un navigateur au service de deux monarques. Il est célèbre car il a, entre guillemets, découvert l'Amérique en 1492. La reine Isabelle lui demande d'atteindre l'Inde. Il embarque sur trois caravelles. Il en est l'amiral. Il touche la terre entre le 11 et 12 octobre 1492 sur une île des Bahamas. Il la nomme San Salvador. Nathan Piron. Né en 1944, mort en 1986, dans un accident de moto. Coluche a fait des films des spectacles d'humour. Il était aussi animateur de radio. Il s'est présenté à l'élection présidentielle en 1981 avant de se retirer. Il fonde en 1985 l'association Les Restos du Cœur pour venir en aide aux plus pauvres par l'accès à des repas gratuits. Thaïs. Léonard de Vinci. La ville de Vinci est située près de Florence. Léonard est né en 1452. Depuis son plus jeune âge, il s'intéresse à la beauté de la nature. Il était très savant et était très bon artiste. Il a servi le roi de France en faisant des peintures. Léonard est célèbre parce qu'il a peint la Joconde. Il est mort en France en 1519. Il avait 67 ans. Élodie Baudin. Le matin des étrennes. Ah, quel bon matin que ce matin des étrennes. Chacun, pendant la nuit, avait rêvé des siennes. Dans quel songe étrange où on voyait Joujou, Bonbon imbibé d'or, étincelant de bijoux, tourbillonner, danser une danse sonore, puis fuir sous les rideaux, puis reparaître encore. Vous savez, matin, on se levait joyeux, la lèvre affriandée, en se frottant les yeux. On allait, les cheveux emmêlés sur la tête, les yeux tout rayonnant comme au grand jour de fête, et petits pieds nus effleurant le plancher, aux portes des parents tout doucement touchés. On entrait. Puis, alors, les souhaits, en chemise, les baisers répétés et la gaieté permise. Arthur Rimbaud. Anthony Lambert a un nom d'acteur et son nom d'acteur, c'est Jerry. Il participe à beaucoup d'émissions connues comme District Z. Les métiers sont humoriste, acteur, metteur en scène et animateur de télévision. Il est né le 5 août 1977. Et j'ai oublié de dire qu'il avait 43 ans. Lily. Jeanne d'Arc est née dans les Vosges à Domrémy en 1412. Jeanne d'Arc est une fille pauvre. Elle a reçu la mission des saints de reculer les Anglais qui avaient déjà atteint la France pendant la guerre. Elle a rencontré Charles VII et elle a mené les Français vers les Anglais. Mais les Français l'ont trahi et l'ont pendu aux Anglais. Et les Anglais l'ont brûlé vive à Rouen en 1431. Charlotte. Michael Jordan. Il est né le 17 février 1963 à Brooklyn. C'est le joueur de basket le plus connu de l'équipe Bulls. En NBA, c'est le numéro 23. Il a joué en NBA pendant 19 ans, 1984-2003. Il a reçu la médaille présidentielle de la liberté par Barack Obama en 2016. Il a actuellement 58 ans. Il a joué dans un film nommé Space Jam. Tom. Kenji Girac. Kenji Girac, de son vrai nom Kenji Maillet, est un chanteur et guitariste français. Il est né le 3 juillet 1996 à Perpignan, en Dordogne. Il est d'origine gitane catalane, vainqueur de la saison 3 de The Voice, La plus belle voix en 2014. Il connaît le succès dès sa première musique, Color Gitano. Il vient de devenir papa d'une petite fille, Luna. S'il pleut, on ne peut pas aller jouer dehors. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on se racontait des histoires. C'est pas drôle, on les connaît tous. On n'a pas les changer un peu? On peut essayer, qui est-ce qui commence? Ah, il était une fois une petite fille qui s'appelait le chaperon rouge. Rouge, toujours rouge, pourquoi pas bleu pour une fois? D'accord, bon, je recommence, le petit chaperon bleu, rouge. On prend bleu, on a dit. Bon, le petit chaperon bleu, alors allez chez la grand-mère. Non, il allait chez la mère Michel. Oui, chez la mère Michel. Je continue. En traversant la forêt, le petit chaperon bleu rencontre le grand méchant loup. Non, il rencontre le petit pousset et il lui demande s'il n'a pas vu le chat de la mère Michel. Il n'a pas vu le chat, mais il a croisé les trois petits cochons qui allaient chez la grand-mère. Alors, le petit chaperon rouge. Bleu! Le petit chaperon bleu lui dit, ah, viens avec moi, on va aller les retrouver et on mangera la galette avec eux. Oui, une bonne galette. Et Cendrillon qui passait par là les a fait monter dans son carrosse pour aller plus vite. Oui, et l'ogre et le grand méchant loup qui couraient derrière n'ont pas pu le rattraper. Qu'est-ce que c'est que cette sorte? Vous racontez n'importe quoi. Nous sommes perdus. Nous voulons retourner dans notre véritable histoire. Rideau. Dis papa, c'est quand qu'on va se promener? On ne dit pas c'est quand qu'on va se promener, on dit quand est-ce qu'on va se promener. Quand est-ce qu'on va se promener alors? Tout de suite, allez viens Kiki. Et c'est où qu'on va? Ne dis pas c'est où qu'on va, on dit où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on va alors? On va emmener Kiki au parc, il a besoin de courir un peu. Et c'est qui vient avec nous? On ne dit pas c'est Kiki, on dit qui est-ce qui. Ah, qui est-ce qui vient avec nous alors? C'est Kiki. Mais toi aussi? Tu vois, toi aussi tu le dis. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est Kiki. Hier, j'ai pris ma première leçon de piano. Tu joues du piano, toi? Oui, c'est joli le piano. Et puis, c'est très bon pour les doigts. Moi, j'apprends le clairon avec mon grand-père. Tu joues du clairon, toi? Oui, c'est joli le clairon et puis c'est très bon pour les poumons. Moi, je suis des cours de flûte au conservatoire. Tu joues de la flûte, toi? Oui, c'est joli la flûte et puis c'est très bon pour les doigts et les poumons. Et toi, tu n'aimes pas la musique? Si, bien sûr. Moi, j'adore le tambour. Tu joues du tambour, toi? Oui, c'est très bon pour les bras et pour les jambes. Mais maman, elle veut que j'arrête. Elle veut que tu arrêtes, mais pourquoi? Parce qu'elle trouve que c'est pas bon pour les oreilles. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Vous voulez du bleu marine ou du bleu ciel? Je ne sais pas, moi. Lequel coûte moins cher? C'est le même prix pour toutes les couleurs. Alors, quelle est la différence? Bah, ce n'est pas le même bleu. Ah là là, c'est compliqué. Vous n'avez pas du bleu tout simple? Non, c'est bleu ciel ou bleu marine. Et du vert, vous en avez? Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Du vert pomme ou du vert bouteille? Du vert comme les arbres. Ça n'existe pas, c'est vert pomme ou vert bouteille. Ça ne va pas. Vous vendez, vous avez du jaune? Oui, j'ai du jaune citron et du jaune d'or. Non, je veux une couleur et des bleus simples et du blanc, vous en avez? Oui, je vends du blanc cassé et du blanc normal. Vous vendez du blanc cassé? Évidemment. Au même prix que les autres couleurs? Bien sûr. Mais s'il est cassé, c'est qu'il n'est pas solide. Il faut le vendre moins cher. Mais non, monsieur. Blanc cassé, c'est juste le nom de la couleur. Le prix ne change pas. Et ben, bravo. Alors pour vous, le blanc d'œuf et le blanc de poulet, c'est le même prix? Et les oranges, les marrons et les roses, c'est le même prix? Aussi, allez donc demander à l'épicier en face, vous verrez ce qu'il vous dira. Neymar da Silva Santos Junior, dit Neymar Junior, né le 5 février en 1992. Il est le capitaine du Brésil et attaquant. Il joue aussi au Paris Saint-Germain. Son âge est de 29 ans. Il mesure 1,75 m et son salaire est de 36 millions d'euros. Juris. Fusajiro Yamauchi est né en 1859, Kyoto, au Japon. Il a eu une fille qui s'appelle Tei Yamauchi. Il est le créateur de Nintendo. Leur première idée en tant que société Nintendo a été de créer des jeux de société. Il est mort d'un accident vasculaire cérébral à 41 ans. Yanis. La prime verte. Qui est la première à percer l'hiver, à remettre en vie la terre engourdie? Elle a réservé sa place, posé son petit coussin. Elle attend ferme et vivace au premier rang du jardin. Elle a ciselé ses pétales et les a teints de jaune pâle. Elle a disposé ses fleurs côte à côte et cœur à cœur. Aucun gel ni vent du nord ne l'empêcheront d'éclore pour assister dans sa parure au grand gala de la nature. Sitôt qu'elle fleurit, le printemps frémit. Elle est la première, c'est la prime verte. Qui est la première à percer l'hiver, à remettre en vie la terre engourdie? Louise Dutille. Sylvester Stallone, c'est un acteur, il a 71 ans, c'est un Américain et il est né le 6 janvier 1946 à New York. Je l'ai vu dans Rocky 1, Rambo 1, 2, 3 et 4, Demolition Man, Expendables 1, 2 et 3. Morgane. Stephen King est né le 21 septembre 1947, il a 73 ans. C'est un écrivain américain, il vit dans le Maine. Il a écrit 60 romans et plus de 200 nouvelles. Son genre d'écriture est plus l'horreur, mais aussi le fantastique, science-fiction, thriller, fantasy et western. Il a aidé à faire des films. Il y a des livres qui sont passés en film, pas tous. Shining, ça, etc. Gilles. La môme néant. Quoi qu'a dit? À dire un. Quoi qu'a fait? À faire un. À quoi qu'a pense? À pense à rien. Pourquoi qu'a dit un? Pourquoi qu'a fait un? Pourquoi qu'a pense à rien? N'existe pas. Le rouge-gorge. Le rouge-gorge est au verger. Ah, qu'il est joli le voleur. Il ne pèse pas plus que plume. Et le vent le balance à son gré. Comme une fleur. Ah, qu'il est joli, le voleur de prunes. Oiseau, bel oiseau d'automne. Voici l'oseille qui rougit dans l'herbe et la feuille du poirier jaune. Tout se couvre de pourpre et de vieil or superbe avant l'hiver gris. Tristan Linxor. Les copains, j'ai tenu, puis j'ai lâché. Il est descendu, je suis montée. Il a lu et j'ai écouté. Vous avez disparu pendant que j'ai regardé. Mathéo Royer. Le voyage. Je suis partie, puis je suis rentrée. J'ai réussi et je suis restée. Je me suis bagarrée et j'ai mordu. Mandé et tu m'as répondu. Léa. Le contraire a fini. J'ai perdu, j'ai gagné. J'ai souri, j'ai ronchonné. Je suis entrée, je suis partie. J'ai pleuré, j'ai ri. Lily. J'ai tenu et j'ai lâché. On m'a demandé et j'ai répondu. Lily. J'ai perdu et j'ai gagné. J'ai vendu et j'ai acheté. J'ai ronchonné et j'ai souri. J'ai commencé et j'ai fini. Luna Grasset. Je me suis battue, j'ai gagné, j'ai répondu et j'ai refusé. Morgane Chaudy. Tomuk, il n'a jamais voulu. Pourtant, je lui ai demandé et j'ai attendu. Tom a ronchonné, il ne m'a pas répondu. Et j'ai mangé, je me suis battue et j'ai gagné. J'ai dormi, je me suis réveillée, j'ai oublié et j'ai demandé, j'ai commencé, j'ai rougi. Selena. J'ai acheté et je l'ai vendu. Tu as aimé et tu as tenu. Il a écouté et il a entendu. Il est allé et il est descendu.